Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, comme toujours, bien sûr, le mercredi de 20h à 22h. C'est la saga des Fab Four, numéro 275. Et c'est une saga qui sent bon le parfum de jeune fille. Elle a été créée par Julie Harrison, la très belle Julie, qui est une auditrice de la saga, et qui m'a demandé s'il était possible de faire un best-of. Et comme je ne sais rien lui refuser, je lui ai dit, bah oui, j'en ai jamais fait vraiment, mais pourquoi pas, c'est une idée. Donc, le thème, l'album de la semaine, c'est le best-of de Paul McCartney, All the Best, sorti en 1987. Mais le reste des participants, à savoir John Lennon, George Harrison, Ringo Starr et même les Beatles, eh bien, ce seront issus des best-of. À savoir, pour John Lennon, ce sera The John Lennon Collection, sorti en 89. Pour George Harrison, ce sera extrait de Let It Roll, Songs of George Harrison, sorti en 2009. Pour Ringo Starr, Photograph, The Best of, The Very Best of, pour être même meilleur, of Ringo, sorti en 2007. Et pour les Beatles, j'ai choisi les deux périodes, la moitié chacun, The Beatles 1962-66 et The Beatles 66-70, sortis tous les deux en 1973. Voilà, vous voulez un petit aperçu du programme? Allez, je vous donne les six premières chansons. D'abord, les chansons extraites de l'album de la semaine. Paul McCartney, Listen to What the Man Said, No More Lonely Nights, Once Upon a Long Ago, Band on the Run, Silly Love Songs, Mole of Kintyre. Quel programme! Mais attendez, attendez, écoutez. Pour Lennon, Whatever Gets You Through the Night. Pour Harrison, My Sweet Lord. Pour Ringo Starr, I'm the Greatest. Et pour les Beatles, par exemple, From Me to You. Alléchant comme programme, n'est-ce pas? Donc, je vous propose de nous rejoindre sur le www.rigfm.fr, sur 90.7 si vous êtes dans la région bordelaise, et surtout, venez sur Facebook, le groupe La Saga des Fab Four. On vous inscrit en 3 secondes et demie et vous pouvez parler avec nous, avec les fans de John, Paul, Ringo et George. C'est votre émission, c'est le mercredi soir, et cette émission donc est une émission spéciale sur une idée de Julie Harrison, et j'en suis très très très heureux. Vous pouvez faire comme elle, hein. Et je vous assure, elle n'a pas envoyé de photos ni quoi que ce soit, quoique. Voici le premier titre de la saga des Fab Four, et c'est Listen to What the Man Said sur RIG. Very good to see you down New Orleans, man. Yeah, Harry. Yeah, yeah. Time, any day, you can hear the people say that love is blind. Well, I don't know, but I say love is kind. Soldier boy kisses girl. That people will find a way to go no matter what the man says. Love is fine for all we know. For all we know our love will grow. That's what the man says. So won't you listen to what the man says. He said to listen to what the man said. He said, Durant sa séparation d'avec Yoko dans les années 73-74, eh bien John Lennon fit des rencontres, et notamment une, celle de Elton John. Il lui fit écouter les bandes de son nouvel album et lui proposa de jouer du piano et de l'accompagner au chant sur le morceau de son choix. Ce dernier choisit la chanson que John aimait le moins, Whatever Gets You Through the Night. Malgré des paroles assez faibles, s'avéra être un rock puissant et entraînant qui permit à John d'atteindre pour la première fois en solo la tête des hit-parades. John était sceptique quant à cette chanson, une ode incertaine à l'instinct de conservation qui reflétait surtout son manque d'assurance et son désarroi du moment. Le titre venait d'une phrase entendue dans un reportage télévisé sur l'alcoolisme. Mais en 1974, le sens commercial d'Elton John était plus aiguisé que celui de John, et il reconnut aussitôt le potentiel de ce morceau. S'il se plaçait en tête des hit-parades, paria-t-il, alors John lui devrait une apparition lors de l'un de ses concerts. Whatever Gets You Through the Night, grâce en partie au bourrasque du saxophone ténor de Bobby Keys, se plaça effectivement numéro 1 aux États-Unis le 16 novembre 1974. Et John alla rejoindre Elton sur scène au Madison Square Garden de New York le 28 novembre 1974. Cet événement allait doublement marquer la vie de John. Le soir même, durant la réception donnée après le concert, il entama sa réconciliation avec Yoko. Et ce qui est plus triste, c'est que ce fut la dernière fois qu'il monta sur scène. Il joignit Elton John pour trois morceaux, Whatever Gets You Through the Night, Lucy in the Sky with Diamonds, et choix poignant pour son dernier morceau joué en concert, la chanson de McCartney qui avait fait décoller le premier album des Beatles 11 ans plus tôt, I Saw Her Standing There, qui dédicace un ancien ex-fiancé à moi, Paul. Bien heureux du succès de Whatever Gets You Through the Night, qui relança véritablement sa carrière, John n'a jamais beaucoup aimé cette chanson. Il alla même jusqu'à ajouter qu'elle méritait la 39e place. Et non pas la première. Pourquoi 39? C'est vrai que le 9, c'était un chiffre que John aimait vraiment beaucoup. 1970, le plus grand succès de l'année, la grosse surprise, My Sweet Lord sur RIG. C'est choisi bien sûr par Julie et c'est George Harrison qui chante. J'aime beaucoup ça. Sur Facebook, Nathalie écrit, alors c'est à prendre avec des pincettes, je ne connaissais pas l'anecdote. Il y aurait une anecdote sur John qui écoutait la radio et tombait sur My Sweet Lord, numéro 1 partout. Et il aurait dit, je vais finir par croire qu'il existe. Excellent. Ringo Starr is the greatest. When I was a little boy, way back home in Liverpool, my mama told me I was great. Then when I was a teenager, I knew that I had got something going. All my friends told me I was great. And now I'm a man. A woman took me by the hand. And you know what she told me? I was great. Savoir sur les Beatles, rendez-vous sur le Beatles Magazine à beatlesmagazineuk.com. UK, c'est Beatles Magazine UK.com. Avec Lovely Rita, qui est la patronne du Beatles Magazine, qui habite Londres, merci à elle, vous pouvez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, sur les tournées de Paul, les tournées de Ringo, les disques qui sortent et ou qui vont sortir, les vidéos, les amis de George, Paul, Ringo et George et John, par exemple Eric Clapton, un truc comme ça. Du moment que c'est des amis, que ça a à voir avec les Beatles, c'est dans le Beatles Magazine. Vous avez également des nouvelles des animateurs qui font des émissions comme mon ami Michael Onorato, le lundi soir sur, ça s'appelle Beatles Tonight, et c'est dans le New Jersey, aux États-Unis forcément. Il y a Kyle également le samedi après-midi au Canada, à Toronto. Il y a également mon ami Brooke Alpine de l'autre côté, sur la côte est des États-Unis, la côte ouest des États-Unis, qui nous fait Come Together with Brooke Alpine. Si vous voulez avoir des renseignements là-dessus, vous allez sur Beatles Magazine UK.com et vous saurez tout 7 jours sur 7. 24 heures sur 24, 12 mois par an et même les années bissextiles, c'est dire. Voici les Beatles avec From Me to You sur RIG. If there's anything that you want, if another day. My heart on a string and everything a flutter, but another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know en ces temps un petit peu désagréables, et je continue à danser mon slow avec Paul McCartney et My Love en 1973. Là, ça datait de 1984, extrait de l'album Give My Regards to Broad Street. Alors, on est sorti dans la rue et maintenant, c'est My Love. Vous êtes bien sur RIG 90.7, la radio des Beatles. And when I go, I know my heart can stay with my love. It's misunderstood. It's in the hands of my love. And my love does it good. My love does it good. And when the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood. It's everywhere with my love. Cette saga 275, c'est Julie Harrison qui nous a proposé les titres en nous demandant de faire un best-of. Eh bien, un best-of, c'est difficile de faire un best-of de 30 chansons quand on a ce potentiel d'album à traiter, autant pour McCartney que pour Harrison, que pour Lennon et Ringo Starr et les Beatles eux-mêmes. C'est très très dur, je vous assure. J'ai mis un petit moment à dire, ouais, celle-là, ouais, ok, celle-là, ok, celle-là, ok. Et Julie m'a bien aidé. Merci Julie. Voici les Beatles. I want to hold your hand sur RIG. Man, and please say to me, you let me.

cette saga. Je vous assure que moi, micro coupé, je hurle toutes les chansons, parce qu'évidemment, toutes les chansons, je les connais, et ça fait réellement plaisir. Continuer à parler, à mettre des extraits, des pochettes, ou à parler des chansons sur Facebook, j'adore ça. On a des gens d'absolument partout. Il y a évidemment autour de la région bordelaise, il y a dans la région parisienne, il y a dans la Franche-Comté, il y a en Belgique, il y aura peut-être dans la soirée, là, au niveau du Japon, puisqu'il y a notre ami Yuji, certainement, qui sera à l'écoute, peut-être pas tout de suite, parce qu'il doit être 3 ou 4 heures du matin chez lui, il faut le comprendre, c'est pas toujours évident. Et donc, la saga des Fab Four a été choisie aujourd'hui par la belle Julie Harrison, qui nous a proposé un best-of, comme cette chanson de 1974, c'est No No Song. Écoutez les paroles, c'est tordant, et c'est assez, enfin c'est très bien, c'est Ringo Starr sur RG. I know just came from Colombia. She smiled because I did not understand. Then she held out some marijuana, huh-huh. She said it was the best in all the land. And I said no, no, no, no, I don't smoke it no more. I'm tired of waking up on the floor. No thank you please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find a door. I know just came from Mallorca, Spain. She smiled because I did not understand. Then she held out a 10-pound bag of cocaine. She said it was the finest in the land. And I said no, no, no, no, I don't, no more. I'm tired of waking up on the floor. No thank you please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. A man I know just came from Nashville, Tennessee, oh. He smiled because I did not understand. He held out some moonshine whiskey, oh, he said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't drink it no more. I'm tired of waking up on the floor. No thank you please, it only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door. Well, I said, no, no, no, no, I can't take it no more. Tired of waking up on the floor. No thank you please, it only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door. Cette chanson avait été reprise en français par Joe Dassin. Joe Dassin, oui, dans les années 70. Je voulais faire une petite surprise à celle qui a programmé cette émission. C'était l'année dernière, en avril 2014, au sujet de l'émission des 30 ans de la saga. Bonsoir, c'est Julie de Maca Club et j'écoute RIG depuis la Franche-Comté. Ce soir, j'ai envie d'écouter Once Upon a Long Ago, car j'adore cette chanson, notamment le passage instrumental. Je souhaite un très bon anniversaire à la saga des Fab Four et un très bon anniversaire à toi aussi, mon Titi, sans qui on ne serait pas tous réunis ici ce soir à écouter ta formidable émission. Bonne soirée à tous sur RIG. Merci Julie. Scales and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key. What are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's plan went hand in hand with pleasure. Such pleasure. Saga des Fab Four est écoutée partout et même en camion. Sois prudent, Pascal. Merci de nous écouter via ton autoradio parce que tu es dans le coin, je le sais. Et donc, tu nous reçois sur 90.7 comme la majorité des Bordelais. La suite de la Saga, c'est maintenant et c'est Ticket to Ride sur RIG. Toujours des titres choisis par la belle Julie. There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. We can work it out. Et juste après, auparavant, Ticket to Ride sur RG, les Beatles indémodables, comme vous le dites sur Facebook. On a organisé un petit concours comme ça pour rigoler. Prenez-vous en photo avec un casque audio autour des oreilles. Et puis, postez-le sur Facebook dans la saga des Fab Four, juste comme ça, pour qu'on puisse savoir qui est qui et puis qu'on puisse s'adresser un petit bonjour. Tu as 16 ans. Tu es très belle et tu es à moi. Ça, je disais ça il y a très longtemps maintenant. À mon âge, je n'ose plus dire à 16 ans, tu es très belle et tu es à moi. Non, faut pas exagérer. C'est Ringo qui chante en 1973. You come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful and you're mine. Girls, who what a girl, eyes that sparkle and shine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Mine, oh my, my, mine. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop. Ooh, when we kissed, I could not stop. You're 16, you're beautiful, and you're mine. J'ai une anecdote sur cette chanson, je me livre un petit peu si vous le voulez bien. Elle avait 16 ans justement, j'en avais 22. Oui, c'était il y a quelques années de cela. Et nous étions aux États-Unis et un ami américain nous avait fait rentrer dans une sorte de salon où on pouvait danser, alors que c'était juste limite. Je crois qu'il fallait avoir 18 ans, mais comme elle ne parlait pas anglais, elle est rentrée avec moi. Et à un moment donné, alors que lui était aux manettes en train de faire son disc jockey, il a dit, cette chanson-là, je vais la passer pour un ami à moi qui va comprendre pourquoi. You're 16, you're beautiful and you're mine, c'est pour sa fiancée et elle s'appelle Alexandra. Et il a passé ça, je l'ai expliqué à mon ami de l'époque et elle a beaucoup apprécié. Voilà, c'était la petite anecdote. Take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. standing on your seat. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Cranberry sauce, et certains avaient cru entendre I buried Paul, j'ai enterré Paul. Vous savez, l'histoire de la mort présumée de Paul en 1966, remplacé par un sosie. Quel talent le sosie entre nous, hein, puisqu'en 2015, il est encore là. Et tout ça, c'était bien sûr faux. Et il dit cranberry sauce. Pourquoi dit-il cranberry sauce? Faut le demander à John, ça va pas être facile. Mais bon, on retrouve l'album de la semaine. L'album de la semaine, sur une idée de Julie Harrison, c'est un best-of. Et d'ailleurs, l'entière saga est un immense best-of. Je pense que vous n'avez pas éprouvé l'impression de découvrir une chanson ce soir. Et c'est un réel plaisir aussi. C'est donc en 1973, extrait de l'album Ben on the Run. Mais là, c'est sur l'album All the Best de Paul McCartney. Voici Ben on the Run, justement, sur RIG 90.7, la radio de la saga des Fab Four. These four walls, sent inside forever. Nous sommes à la 17e chanson et c'est toujours le moment de la cover, la chanson que quelqu'un chante, connue ou pas, ça pourrait être vous, mais c'est une reprise d'une chanson qui a été chantée par John, Paul, Ringo, George ou les Beatles, ou même si les Beatles eux-mêmes avaient fait à l'époque une cover, c'est-à-dire qu'ils avaient repris par exemple du Chuck Berry ou qui d'autre, on ne sait jamais. Voici, oh ben, puisqu'on met le best-of, moi aussi hein, je m'y mets, celle-là c'est moi qui l'ai choisie, While My Guitar Gently Weeps par Todd Rundgren. Très très belle version, écoutez. Gently weeps.

Sakawa, poussé, poussé. Allez savoir pourquoi il avait des moments de délire total comme ça. Wakawa, poussé, poussé. Il avait entendu en rêve, je crois. Et donc, bah, puisqu'il l'a entendu, il le met dans la chanson. Et ça donne une belle chanson. Number 9 Dream, à l'instant, sur RG. Dans ce best-of voulu par Julie Harrison. Et proposé par moi ce soir dans la saga des Fab Four numéro 275. On a entendu John Lennon. Et auparavant, c'était Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. Pas la version du titre de l'album homonyme, mais de la version de Yellow Submarine Song Track, sortie en 1999. Et maintenant, une chanson que nous devons mettre au goût du jour et nous devons la chanter, nous devons nous rappeler que c'est ce qu'il faut faire. Give me love, give me peace on earth. C'est George Harrison sur RG. Et si on regarde la programmation sur le logiciel, il reste 32 minutes et 34 secondes de chansons. Alors dépêchons-nous, voici Paul McCartney en 1975. Sur l'album sur l'album At the Spin of Sound, et c'est en 1976. Oui, bah oui, c'est Love Song. Allons, réfléchis. You think that people would

1967. Hello, goodbye. Des paroles simples, mais une mélodie qui vous reste dans la tête. C'est ça le truc de Paul McCartney. Il est vraiment très très fort à ça. Et puisque nous sommes en 1967, projetons-nous un an plus tard, en 1968, et faisons un hommage à mes copains de l'aéroport avec un bruit d'avion, par exemple, avec ce titre, Back in the USSR. Et juste après, ma chanson préférée. Oh oui, vous la connaissez, oui, oui. On l'a entendu tout à l'heure dans une autre version. In the USSR. Been away so long I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Really knocked me out. They leave the West behind. And Moscow girls make me sing and shout. That Georgia's always on my mind. In the USSR. Well, the great girls really knocked me out. They leave the West behind. And Moscow girls make me sing and shout. That Georgia's always over my, my, my, my, my, my, my, my, my. In the USSR. Parfois, je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? Told you they wasn't so. Every surely be learning. Still my guitar gently weeps. J'aime cette chanson. Je crois que j'aimerais que ce soit la dernière chanson qu'on entende, vous savez quand ? Voilà. Mais bon, on n'est pas encore là, on peut la réécouter dans la saga des Fab Four et la réécouter pour le plaisir. Allez, sortons les cornemuses, puisque c'est bientôt la fin, et chantons ensemble Mull of Kintyre. Ce best-of vous est proposé par Julie Harrison. Mull of Kintyre, see, my desire is always to be a Mull of Kintyre. Far have I traveled and much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Kintyre. Mull of Kintyre, my desire is always to be here, oh Mull of Kintyre. Puisque nous approchons déjà du mois de décembre, il était temps de vous proposer ce titre. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. Il faut retenir ça parce que je crois que c'est plus que jamais d'actualité. Une dernière chanson avant de se quitter et merci à la belle Julie Harrison pour cette très belle saga. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the crying for the day. Why leave me standing here? Let me know. Many times I've a long, long time ago. Écoutez cette 275e édition de La Saga des Fab Four. J'étais cette fois-ci épaulé par l'une des plus belles auditrices de la saga, c'était Julie Harrison. Merci à toi Julie, on recommence quand tu veux, mais la prochaine fois on se fait un brainstorming à la maison. Allez, bonne soirée à tous et toutes, je vous laisse en compagnie du rocker, du seul rocker, le taulier de la radio, c'est-à-dire Eric, qui va tout vous raconter sur Johnny de A à Z. Bisous aux filles, bisous à toi Julie, et Brian Mangerson, à bientôt, ciao.